Les micros sont allumés. Bon appétit. Merci. Bon appétit. Vous avez bien mangé. Vous n'êtes pas fatigué, non? Ça n'a pas, non. Ça ne vous a pas plutôt fatigué? Non. Maintenant, nous sommes à l'aise, n'est-ce pas? On a mangé la qualité de physique. Que le Seigneur vous bénisse. Dans la paix. Ayez le regard sur ce documentaire. Et ça, vous êtes loin derrière. Ayez le regard et écoutez doucement. Ça va? Oui, oui. Avancez-vous. Donc, dans la première partie, vous êtes la bienvenue dans cette deuxième partie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de servir. Vous avez vu, on a écrit là. Illustration des fétichismes dans l'église, entre guillemets, avec un faux pasteur pris en flagrant délit d'envoûtement au Ghana. Suivons ensemble. Donc, voilà le pasteur, regardez la foule. Donc, voilà le pasteur, il y a de négocier avec le marabout. Voilà le marabout. Oui, il a de négocier avec le pasteur, avec le marabout, voilà qui part. Il négocie avec le marabout, que le marabout ne fait pas cela en public. Il entre dans la salle avec le marabout. Il dit, that is what I told you. Voilà, c'est en anglais là, il y en a écrit en anglais. Vous tous vous voyez, n'est-ce pas? Donc, ils sont donc allés dans une salle pour résoudre le problème, pour que ça ne soit pas public. Oula. Voilà. Je vais mettre pause de temps en temps pour qu'on lit, d'accord? C'est maximum 5 minutes. Donc, voici le pasteur, voici le marabout. That is why I told you to be patient. Il dit voilà pourquoi il te dit d'être patient, d'accord? Vous voyez, voilà dans son église avec ses membres. Let them go outside. That is why I told them. Wait outside. Donc il voulait que les gens sortent pour attendre dehors et qu'ils négocient à l'intérieur. Donc voilà le marabout qui appelle le pasteur appelle le marabout papa, pardon, je demande pardon. I beg you. When you wanted your church to grow, you came to me. Donc quand je voulais que ton église grandisse, tu es venu à moi. J'ai constaté que plusieurs personnes viennent ici. Tu comprends? You told me only few people came here. Donc le pasteur lui a menti. Donc le deal du marché n'a pas été respecté. Il avait dit que si les gens entrent plus, les gens vont entrer, l'argent va entrer. Et parce que quand on va donner l'argent du pasteur, du marabout. Le marabout attend l'argent, il ne voit pas. Lui, il vient sur le terrain, il constate qu'il y a beaucoup de chrétiens qui viennent là-bas. Les chrétiens entre guillemets. Et là, il a dit que mais, le client entre beaucoup dans ton entreprise, mais tu ne me donnes pas mon âme. C'est là qu'il a dit que tu vas te mettre mes dieux. Mes dieux qui font que tes clients viennent. But I met so many people on the way coming here. Donc j'ai trouvé beaucoup de personnes qui venaient ici à l'église, entre guillemets. Il dit Nana Bekoe is not my equal. He is fooling you. Donc, Nana Bekoe, apparemment, c'est une autre personne également au Ghana qui fait dans la même pratique. Il dit, le Seigneur avait lui dit que si tu veux, le marabout dit au pasteur que si tu veux suivre Nana Bekoe, il en était trompé. Il veut par là dire que sa compétence ne se démontre plus. Et là, il m'a dit qu'il a donné à plus de 1500 pasteurs. Donc, il connaît ce qu'il fait, son travail, sa produit. I didn't buy spiritual powers like he did. Donc, il a des comparables avec le marabout. Donc si je pars chez l'autre marabout là, il va te tromper. Moi, mon pouvoir de marabout, je n'ai pas acheté. Je l'ai hérité naturellement. Écoutez. The gods came to me by themselves. Donc les dieux sont venus vers moi par eux-mêmes. Et voilà le marabout donc qui a reçu l'onction directe des esprits. C'est ce que les chrétiens devraient attendre, que le Seigneur les appelle lui-même. Et alors, quand il te commissionne, ça doit marcher. Vous voyez, n'est-ce pas? They choose me to use their powers in this world. C'est Dieu là, un peu guérir dans les démons. On m'a choisi pour lui dire Dieu, mais nous savons que c'est le démon. Il dit que ces démons là ont décidé qu'il lui, il utilise le pouvoir dans ce monde aussi. I have gave 1600 pastors the power to work miracles in Ghana. Ça, c'est au Ghana. 1600 pasteurs. 1600 pasteurs. Ceux qui vont, quand on va les inviter, on va dire que c'est un grand pasteur au Ghana qui a fait ses preuves par des miracles, des signes et des prodiges. Recevez-le comme un homme de Dieu. Vous applaudissez, vous donnez vos onctions, votre ovation, et puis vous donnez l'argent. Il rentre au Ghana, il se moque de vous. Il peut donner une partie donc chez le marabout. Vous devez savoir qui vous servez. On avance. Et ils sont venus au Cameroun. Là, c'est la question. Ça, celui-ci, il dit qu'il a donné à 1600, lui seul. Au Ghana. Et il n'est pas seul là-bas. Il a des militaires, Nana Bekoe. Oui. On ne sait pas qui était notre de ses adversaires. Lui, il a donné à combien? Celui du Nigeria dit que le soir où il était embordu des mains, il y en a plusieurs pasteurs là-bas. Des dizaines et des dizaines. Avec les archbishops et les dinars à Wassi à qui consacrent les pasteurs. La question, c'est à l'heure où nous sommes, combien sont-ils? Et qui sont-ils? Vous devez répondre à ces questions-là. Je jure le ciel et la terre. You are my child, I like you. Tu es mon fils, je t'aime. But you are telling me the power don't work for you. Donc tu me dis que la puissance de Dieu ne travaille pas pour toi. You say nothing has been given to you. You want to kill. The gods told me I will die at 6 p.m. this evening. Donc ce qui a mis le marabout dans la rage, c'est que le monsieur utilise la puissance démoniaque sans respecter les clauses. Oui. Alors les puissances ont donné l'ultimatum à ce type-ci que si je ne peux pas récupérer notre onction là-bas, cette fois mourir ce soir, c'est à 18. C'est pour ça qu'il est énervé comme ça. Il dit que tu veux me tuer. Donc il dit, the gods told me I will die at 6 p.m. this evening. Donc c'est pour ça qu'il est dans l'état de guerre comme ça là. Oui, mais Dieu veut le tuer le marabout. Oui, le porte flambeau. Oui, il veut le tuer. Parce qu'il a pitié du pasteur, il a donné le parti avec, il ne respectait rien. Oui, il ne respectait rien et il isolait la calme. Les dieux ont donc décidé de se venger de lui. Et l'argent entre dans l'entreprise. Voilà l'église que nous avons aujourd'hui. Et il vit bien. Il vit bien. Écoutons. On laisse un record des powers, donc à moins qu'il récupère la puissance. If I die, that will be the end. I'm coming for my God, wherever it is, in heaven or on earth. Donc je suis venu pour mes dieux. Donc ça nous rappelle l'histoire de Laban dans Genèse, qui vient chercher ses dieux. Voilà, voilà où nous en sommes. Oui, et là vous allez regarder, il dit je vais chercher mes dieux et le dieu sera un objet. On n'a pas besoin de donner une forme à cet objet. Ça peut être un petit caillou qu'on te donne, mais le caillou est impliqué par les esprits démoniaques. On n'a pas besoin nécessairement d'avoir une forme humaine, une forme de créature. Et là, il dit je veux des dieux, je veux qu'on comprenne quelque chose. Dans le Nouveau Testament, on comprend que c'est les puissances sataniques qui sont derrière. Mais quand le père de Rachel disait mais Dieu, vous ne pouvez pas comprendre l'ampleur. À moins que vous lisez cela à la lumière de la parole du Seigneur dans le Nouveau Testament. Mais c'était le Nouveau Testament. Donc il servait des démons. Le père d'Abraham servait des démons, le père d'Abraham, notre père. Vous voyez cela, n'est-ce pas? If I don't bring the gods, I will not go back to Kumasi. Il dit que si la porte ne prend pas les dieux, donc ça veut dire qu'il est dans une autre ville même. Il dit qu'il ne peut plus rentrer à Kumasi sans ça, donc ça doit sortir là. Même si c'est aussi, tu vas aller chercher ça. Parce que sa vie est en danger. Le dieu de ce monsieur, c'est le tuer. C'est Dieu qui le tue. If I die, that will end it. My God will kill me. If I die, many Ghanaians will lose something important. Là, maintenant, on touche ce que je vous ai expliqué ici par rapport aux hôtels. Amen. Il dit, si je meurs, les Ghanéens perdront plus de choses, beaucoup de choses importantes. La question c'est, ça veut dire que les Ghanéens sont connectés à lui pour utiliser cette puissance là d'une façon ou d'une. Donc s'il n'est pas là, il y aura des conséquences. Si tu as pris la puissance pour réussir dans le business, tu vas confirmer. Si tu as pris la puissance pour travailler dans la vie de quelqu'un pour que la personne t'épouse, tu vas confirmer. Si tu as pris la puissance pour qu'on te nomme comme ministre, tu vas confirmer. Voilà les vies comme ça. Voilà les vies. Si je ne reconnais pas mon Dieu, je ne retournerai pas la place. I will slap you if you don't take care. Leave me alone. Quelqu'un là, il l'a touché là pour vous dire que mon ami, calme-toi. Il a dit, je vais te gifler si tu ne me laisses pas tranquille là. Il est fâché, il a un peu d'arrivée. Maintenant, c'est d'or. Ah, voilà la police qui est venue. Le marabout m'a dit qu'il est à l'intérieur. Voilà le pasteur que le marabout, la police a demandé. Voilà les fidèles à côté. La police dit, allons nous asseoir. On est là avec qui? Donc on a dit, Boy, c'est le nom de, quoi que c'est le nom de l'un d'eux. On lui demande, ben, il dit que les dieux là sont où? Donc on pose la question, le pasteur a dit les dieux là où? Suivez, c'est le pasteur lui qui va parler, c'est ça qui est le problème, suivez, et lorsqu'il va parler. Voilà, nous voilà maintenant avec la police et le marabout, avec la presse. Voilà le dieu qu'il a apporté. Voilà. Voilà donc le Dieu que le marabout a donné au passe. Donc on l'a mis dans la voiture avec la police. Il était obligé d'aller montrer où le Dieu se trouve. Alors lorsque vous allez vous prosterner à son hôtel, vous dites, oh Seigneur Jésus, vous appelez le Jésus de la Bible, mais c'est pas lui qui se trouve là-bas. Donc il faut que vous testez votre foi et vous sachiez qui sont les pasteurs vrais d'après Dieu. Alors, la police pose la question à ce marabout. C'est pour ça qu'il a dû ouvrir la feuille pour voir si c'est vraiment ça. Il va identifier pour savoir si c'est ce qu'il lui avait donné à ce monsieur-là. Donc, il dit yes, easy. Donc, ce sont mes dieux là-bas. Maintenant, tu veux. Pasteur, c'est quoi ça? Alors, on pose la question, pasteur, c'est quoi? C'est quoi ça? Il dit c'est un dieu. C'est le pasteur qui dit ça. Oui. C'est un dieu. Il dit c'est un dieu. Why did you collect the gods? What were you using it for? Pourquoi tu allais chercher ce dieu-ci? Et tu l'utilisais pour faire quoi? Are you a traditional priest? He said, I am not a priest, but I was introduced to him by a friend of me. He said, je ne suis pas un prêtre traditionnel. Mais c'est quelqu'un qui un de mes frères, mes amis qui m'a amené là-bas. Voilà le pasteur. Il s'appelle pasteur. I consulted him and I worked with him for quite a long time. Donc je l'ai consulté et on a travaillé ensemble. Il parle du marabout maintenant. Ils ont travaillé pour longtemps. Donc si la paix n'avait pas éclaté, on n'aurait jamais su qu'il travaillait avec un marabout. Comme vous avez dit dans votre introduction, le temps. Le temps. Le fidèle, les voilà à côté, non? Mais malgré que c'est comme ça, il y a des gens qui vont nous défendre. Que laissez notre pasteur tranquille. Laissez notre pasteur tranquille. Je pense à mon sens par le bien des natifs. Alors je le consultais. I sent people to him and through some dubious way. Donc il y a même des moments où le pasteur envoyait certaines personnes chez le marabout là. Mais c'est le monde qui va en l'envers, il n'a pas vraiment fait le bon. C'est le monde qui va en l'envers. Il dit qu'il envoyait souvent certaines personnes pour lui dire que je lui envoie même les clients. Donc quand les cas difficiles venaient à l'église, il va voir le pasteur, le marabout inter. Donc pendant ce temps, quand nous ne sommes plus que prier ces choses, un de nos collègues, entre guillemets, un homme envoyé pour toucher le marabout. Que si j'avais le problème, c'est fort, on va voir le marabout, c'est lui qui va te résoudre le problème. Ce qui est bien, c'est que c'est en image, vous en êtes de voir. Quand c'est en audio, vous pouvez dire que c'est sur le montage, c'est le film, c'est pas le film. We collected an amount of money from these people and share it. Donc c'était un deal entre lui et le marabout. Quand c'est Paul, il envoie le client là-bas que je t'envoie qu'un monsieur, il est le ministre, il a l'argent. Quand il prend à ce ministre, il donne sa côte part, lui et le marabout. Quelle part les ténèbres et la lumière. Quand je prêche, souvent, il dit certaines choses, vous ne comprenez pas le pourquoi. Dieu permet qu'on ait cette vidéo si vous prêchez mieux pour expliquer aux chrétiens ce qu'on a de me dire. Parce qu'on dit aux gens, les gens peuvent croire peut-être qu'on est jaloux ou on a de vouloir chercher quelque chose, que c'est un intérêt qu'on cherche là derrière. C'est pour avertir, afin que les gens soient en état d'alerte. Dieu expose ces choses pour que vous compreniez que tous ceux qui parlent de son nom ne sont pas de lui. Amen. Amen. Personne sans que ce dernier puisse s'en dans le but de son. Il gave me this Kwaku Bosam. He gave me this Kwaku Bosam. Gave me this God. Donc Kwaku Bosam, c'est, vous savez que le nom de ce nom. Donc il a dit que c'est voilà, le Dieu qu'on lui a donné. Donc il laisse le Dieu de la Bible, Jésus-Christ de Nazareth. Il parle Kwaku Bosam. Mais le vrai problème, c'est que quand il va prier, il ne va pas dire in the mighty name of Kwaku Bosam. Non, non, non, non, non, non, non. Il va dire in the mighty name of Jesus Christ. Sachant dans sa propre conscience qu'il est faux. Que c'est pas Jésus qui l'a mis d'appeler. Il sait qu'il va appeler comme ça, le démon va agir. Tu vas dire, waouh, tu vas rentrer dire, comment était le culte de Jésus a été glorifié. Dieu aussi, après nous avons vu sa sanction aujourd'hui, non? Dans l'Apocalypse chapitre 3, il dit que aide donc Dieu et répands-toi. Les gens vont venir là-bas, quand on va demander testimony times, les gens vont se lever là-bas et dire que le nom de Dieu d'ici l'autre jour, ça c'était moi mon problème, c'est résolu. Mais c'est le divin, la divinité là qui a fait cela. Faisons attention. Tu es une somme d'argent à l'offre et ensuite partageons le bien contre. Il me donna ce. A collecter et establish my own church in Kumasi. Vous savez ce que ça dit? J'ai pris ces Kwaku, ces Kwaku Bosam pour établir mon propre église. Oui, voilà ça non? A collecter et to establish my own church in Kumasi. Donc son église. Mais nous avons vu aujourd'hui que qui bâtit son église? Jésus-Christ. Donc lorsque vous entendez pasteur dire dans mon église, sachez que Dieu n'est pas avec lui, Dieu ne le connaît pas. Parce que les serviteurs de Dieu travaillent à l'œuvre du Seigneur. Tu ne peux pas aller chez un policier et dire qu'il est dans mon commissariat. Vous ne pouvez pas aller quelque part, ça va la réponse. Vous ne pouvez pas aller quelque part, vous voyez la, quoi, un policier, vous entendez le commissariat. Un commissaire dit que c'est mon commissariat, c'est pas son. Son commissariat. C'est un patrimoine de l'État. Et il est aussi locataire là-bas, comme tout le monde, c'est un service public. Donc, quand un pasteur dit que son église, vous voyez qu'il y a un pro. Écoutons, c'est bon. On a coincé le pasteur. Il dit que tu as répondu que les gens viennent, n'est-ce pas? Donc, c'est pour dire que ça travaille. Oui. Donc, ça travaille. Il n'y a pas comme ça au commissariat. Mais on va, il va faire comment? Attends, suis les fidèles. Donc voilà le pasteur, le marabout et les témoins qui vont au commissariat. Voilà donc le marabout qui parle, voilà son Dieu. Voilà. Il va couvrir le nom sur son Dieu. Voilà les fidèles qui sont en désaventure. Chacun, les gens sont étonnés. Voilà le fidèle. Voilà donc les fidèles. Le pire, c'est que pour que ceux-ci reviennent à la foi encore. On va dire que c'est ce que tu as vu qui est compris. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Pour que ceux-ci reviennent à la foi. Donc voilà donc en clair ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Tout à l'heure, je vous ai dit que je vais vous montrer une vidéo montrant ces choses. Vous avez vu, non? Alors la question que je pose, c'est ceci. Avant que la police ne vienne pour intervenir, bien que les marabouts ne viennent, parce qu'on lui a dit que le moment est arrivé où tu vas mourir si papa prend cela. La question, c'est en réalité, qu'est-ce qui arrive aux êtres humains? 1, 2. De 2, combien de personnes à qui il a imposé les mains? Combien d'esprits l'a transmis à ses hommes. Au nom de. Donc il impose les mains, il te transmet un esprit maléfique au nom de Jésus. est-ce qu'ils sont là pour toi, non? C'est pas tu reçois les bénédictions. Quand il dit Amen, vous dites Amen, non? Oh, oui. Donc vous êtes d'accord avec ce qu'il dit. De la même façon, si c'était là, il parlait, tu dis Amen, tu es d'accord avec ce qu'il dit. Donc tu adhères à son esprit. C'est pour ça qu'il peut venir comme ça, les femmes partent de vendre leur truc, même le plus. Les hommes, gardez quand vous avez les femmes qui mangent partout, partout, gardez bien vos porte-monnaie. Amen. Parce qu'ils vont parler comme ça, la femme ne vient pas que c'est elle qui a voulu. Oui. Elle croit que ça l'a touché, que demain le gomme, il a touché, ça mange. Il va prendre l'argent, c'est l'esprit là qui l'a convaincu. Le pasteur Nigeria avait les huiles. Il avait les huiles pour les vierges. Ou quand il parlait à une fille vierge, la fille la suivait dans sa chambre sans poser des questions. Sans jamais dire à son parent que quelqu'un a touché, le pasteur l'a abusé. Quand il parlait, quand il y avait les hommes d'affaires, il parlait, vous donnez seulement l'argent. Personne ne posait des questions pour dire que c'était telle ou telle chose. Non, on ne pose pas de questions. Et par conséquent, ces esprits-là sont là pour accomplir, afin que... Par conséquent, si vous adhérez avec cet esprit-là, avec le ministère de cet esprit-là, vous êtes chez Satan en croyant servir Jésus-Christ de Nazareth. Et là, maintenant, avec ces choses-ci en vidéo, en live, on peut commencer à comprendre les paroles du Seigneur. Plusieurs me diront en ce jour-là, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Je leur dirai, je ne vous ai jamais encore connu. Parce que celui qui n'a pas connu Jésus. Tu n'as pas connu Jésus. Parce que quelqu'un connaît Jésus. Tu peux aller chercher la puissance étrangère pour pouvoir travailler dans l'église avec. Tu peux chercher la puissance pour venir chercher la puissance satanique. Non. Tu vas trouver notre puissance, il va te traiter. Oui, l'église se trouve, n'est-ce pas? Donc il est l'heure qu'on se réveille véritablement. Amen. On Amen. Prend position pour la vérité. Amen. Donc quand on parle comme ça, les gens croient peut-être qu'on est là seulement pour frustrer les gens, pour dire qu'on dit qu'on ne parle pas là-bas. Chacun doit prier pour savoir de quoi il est question avec le Seigneur Jésus. Chacun doit chercher une relation personnelle profonde avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.